devrait être bientôt possible de passer la frontière dans les aéroports parisiens en faisant un sourire à la caméra. Un dispositif de reconnaissance faciale est en cours d'expérimentation et Paris ne serait d'ailleurs pas la première ville à se munir de tels appareils biométriques pour fluidifier la circulation des passagers. Mais la biométrie ne se cantonne pas à la sphère publique. Peut-être avez-vous reçu une notification de Facebook vous proposant de vous reconnaître automatiquement sur toute photo qui serait postée de votre joli minois. Alors jusqu'où iront les outils biométriques et au service de qui ? Biométrie, l'identité au doigt et à l'œil, c'est le programme que nous allons examiner ensemble dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer l'essor de ces technologies d'identification, leurs usages et bien entendu leurs limites, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Bernadette Dorizzi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche et des formations doctorales de Télécom Sud Paris, ex-coordinatrice du réseau européen Biosécure. Vous nous en parlerez. Bonjour Christophe Rosenberger. Bonjour. Vous êtes professeur en informatique à l'École nationale supérieure d'ingénieurs de Caen et membre du laboratoire grec pour groupe de recherche en informatique, images automatiques et instrumentation. Vous pouvez suivre cette émission comme chaque jour sur les ondes de France Culture et en complément de ce qui va être dit à ce micro en vous abonnant à notre fil Twitter @laméthodefc. Alors, dès que l'on parle de biométrie, il y a une sorte, surtout en France peut-être d'ailleurs, principalement en France, de braquage naturel, orwellien ou dickien pourrait-on dire, concernant la surveillance, les libertés individuelles bafouées, l'impression de restriction de la libre circulation. Que faut-il penser par exemple, selon vous, de ces systèmes de reconnaissance faciale dans les aéroports, Bernadette Dorizzi? Alors, ce qu'on peut dire simplement, c'est qu'effectivement la biométrie, ça renvoie effectivement à la reconnaissance des personnes, donc à l'identité, et typiquement en utilisant des caractéristiques personnelles. Donc, vous citiez les visages, on parlera sans doute, je pense, aussi des empreintes digitales, bien sûr, évidemment. Puisque historiquement, c'est certainement la biométrie qui est la plus connue, la plus diffusée. Ce qu'on peut dire, c'est que finalement, on reconnaît des gens par les visages, c'est assez banal. C'est ce qu'on fait depuis qu'on est petit à l'école. On avait nos petites cartes avec des photos. Donc, quelque part, c'est pas une révolution. Ce qui est peut-être un peu révolutionnaire, c'est l'aspect masse. C'est d'être capable de reconnaître beaucoup de monde rapidement, avec des grandes bases de données, ou en tout cas des traitements relativement volumineux. Et ça, c'est vraiment effectivement ce qui est un peu nouveau dans cet essor-là. Qu'en pensez-vous, Christophe Rosenberger? Est-ce qu'il faut se méfier de cette massification de l'usage d'outils biométriques? Oui, il faut évidemment se méfier de cette massification, même si effectivement ça existe depuis de nombreuses années. Pas forcément très loin, hein. Il suffit d'aller en Angleterre où il y a énormément de caméras de vidéosurveillance qui font déjà en ce moment, hein, depuis très longtemps, des analyses sur la reconnaissance de visage de personnes dans la rue. Effectivement, il faut s'en méfier un peu parce que évidemment, on va pouvoir automatiser ce type de choses n'importe où. Alors évidemment, il y a des législations hein, qui permettent de limiter les abus et qui fait que de toute façon, lorsque vous êtes filmé, par exemple, eh bien c'est soumis à autorisation à la préfecture et que la personne doit être avertie. Donc ça, c'est la loi française. Et donc évidemment, il faut essayer de limiter ce genre de technologie lorsque c'est fait à d'autres fins. Quoi. On peut prendre un exemple strictement inverse, qui est un exemple récent aussi, qui est certainement à l'origine de notre envie de faire cette émission. La police de New Delhi vient de mettre en œuvre hein, justement ce type de système que vous évoquiez, Christophe Rosenberger, un système de reconnaissance faciale des caméras de vidéosurveillance, système qui lui a permis de retrouver 3000 enfants disparus en quelques jours, un endroit où la perte, l'enlèvement d'enfants est effectivement beaucoup plus fréquente. Est-ce que ça veut dire, malgré tout, que ce régime de surveillance générale est en train de devenir, Bernadette Dorizzi, une réalité? Il est clair que ça se développe vraiment de plus en plus. Et une des raisons, c'est quand même effectivement aussi, donc on parle des aspects policiers, mais quand même aussi les grands volumes d'informations qui transitent sur Internet. Vous parliez des réseaux sociaux. Donc, je crois que dans tous les cas, on peut pas y échapper d'une certaine façon. Donc, moi, je suis d'accord avec Christophe Rosenberger parce que je pense que c'est beaucoup une question de contrôle et de d'information déjà. Donc, ce type d'émission, ça me paraît vraiment important parce que c'est important d'en parler, c'est important d'en être conscient, mais comme toujours, on va pas tout jeter, on va pas tout accepter, quoi. Donc, pour moi, c'est vraiment une question, qu'est-ce qu'on est prêt à accepter, à quel titre et pour quel service, finalement? Exactement. En fait, il y a des usages de la biométrie qui sont extrêmement pertinents. Hein. Retrouver des enfants disparus. On peut imaginer aussi essayer de sécuriser un certain nombre de lieux, type les abords d'école, par exemple. Donc, effectivement, il y a plein d'usages qui sont extrêmement utiles pour la société. Et il y a des usages qu'il faut évidemment essayer de canaliser. Hein. On vous parliez de Facebook tout à l'heure, hein, avec justement ce paramétrage où la personne accepte ou pas d'être reconnue de façon automatique sur des photos. Bon, d'un point de vue général, ça pose pas de problème, sauf si vous êtes dans une situation qui n'est pas appropriée et qui sera diffusée sur Internet. Et on sait très bien que Internet n'oublie pas beaucoup. C'est ça. C'est un peu le paradoxe. C'est là où je voulais en venir. Le paradoxe de cette massification de l'utilisation d'outils biométriques, c'est d'un côté cette tradition française, mais pas que. Hein. Évidemment, il y a d'autres sociétés, il y a d'autres pays où on s'inquiète de l'usage de ces données biométriques par l'État, par la police, par des réseaux de surveillance. Et de l'autre côté, eh bien, des usages privés, comme Facebook, vous l'avez cité, qui vient de mettre en place un outil de reconnaissance automatique des visages pour les photos sur lesquelles on pourrait être tagué, ou eh bien, la téléphonie, ou un certain nombre d'appareils, pour ne pas citer de marque, vous propose de débloquer votre téléphone en vous reconnaissant. Est-ce qu'on n'est pas dans une sorte de double origine un peu, on va dire, oxymorique, pour ne pas dire schizophrène, Christophe Rosenberger? Oui, complètement. Alors, c'est pour ça qu'il faut c'est les deux, avoir des garde-fous juridiques, savoir ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Ça, c'est un premier point. Et puis, il y a aussi des garde-fous technologiques. Et donc, Bernadette Dorézy et moi-même, nous sommes tous les deux chercheurs en biométrie. On essaie de concevoir des systèmes qui vont permettre de reconnaître les personnes, mais on essaie aussi d'essayer de protéger ces données personnel. Et donc, en alliant les deux de façon intelligente, eh bien, je pense qu'on peut répondre aux applications essentielles et limiter les usages qui n'ont rien à faire. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas se méfier de la technologie en tant que telle, mais peut-être plutôt de la constitution de fichiers et de l'usage qui est fait de ces fichiers, Bernadette Dorézy? Oui, je pense qu'effectivement, c'est plus un problème d'usage et de ce qu'on se permet. Ce que je voulais aussi dire, c'est que effectivement, on est peut-être un peu dans des extrêmes, mais par rapport à d'autres pays, on est quand même très régulé. C'est-à-dire que vous voyez pas aujourd'hui beaucoup. Là, quand on rentre à la maison de la radio, on met pas son doigt sur un capteur, on n'est pas. Et il y a beaucoup de pays où ça se fait. Hein. Je crois que c'est au Brésil où quand on va à la piscine, on peut verrouiller son casier pour mettre ses affaires ses vêtements avec son empreinte digitale ou avec des données biométriques. Donc, quand même, en France et en Europe en général, il y a une législation qui permet pas d'utiliser de la biométrie, je dirais, à tout venant. Et en gros, les règles qui sont édictées par la CNIL, c'est il faut un principe de proportionnalité. C'est-à-dire, en gros, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que ça vaut le coup de mettre en œuvre tous des aspects fichiers, des aspects personnels pour des applications, on va dire, qu'on peut faire autrement et qui ne le méritent pas? Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, vous l'évoquiez tout à l'heure, Christophe Rosenberger, l'État, les services du ministère de l'Intérieur, la police, le renseignement, n'utilisent pas de système de reconnaissance faciale sur la vidéosurveillance dans la rue? A priori, je ne pense pas, non. Que l'on sache, non. Voilà, a priori, je ne pense pas. Évidemment, l'État dispose d'un certain nombre de données biométriques, notamment par le passeport, hein, puisque le passeport, vous avez à la fois le visage, mais à la fois aussi deux empreintes digitales qui sont stockées dans votre passeport électronique, alors qui est censé être uniquement dans le carton de votre passeport de façon physique, hein, et qui peut permettre des applications, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, hein, de contrôle frontière automatisé. Et là, l'intérêt, c'est à la fois la sécurité et puis à la fois aussi la fluidité. Hein, essayer d'avoir un temps de passage aux frontières qui soit le plus court possible, puisque évidemment il y a de plus en plus de personnes qui utilisent l'avion. Mais donc, Bernadette Doridi, sur cette, sur l'emploi de ces techniques de reconnaissance, notamment de reconnaissance faciale, pour les caméras de vidéosurveillance, pour la sécurité territoriale, il faudrait aujourd'hui que le public en soit informé pour que la police puisse le faire, ou est-ce que la police peut certainement le faire dans les cas d'exception sans que le public en soit informé? Alors ça, c'est une question difficile. Moi, mon avis, c'est que effectivement, c'est bien que la police ne puisse pas le faire en général et que ça soit su. Après, on est tous contents quand on arrête un malfaiteur et qu'on retrouve sa trace. Hein. Donc, je pense qu'on peut autoriser aussi un certain nombre. Je crois que c'est quand même là pour ça aussi. Hein. Sinon, autant les enlever, ces caméras. Donc, c'est peut-être dissuasif, mais ça peut, à mon avis, être utilisé, alors avec ou pas de l'information. Je pense que plus on a d'informations, mieux c'est. Maintenant, je crois qu'on peut quand même se donner le droit d'utiliser ces technologies pour notre bien à tous et pour notre sécurité à tous. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h11, nous parlons de biométrie tout au long de cette heure en compagnie de Bernadette Doridi et de Christophe Rosenberger. Alors on va largement revenir au cours de cette émission sur l'évolution de la mesure biométrique. Vous verrez que des systèmes de biométrie comportementale ont été mis au point, notamment par vos équipes, Christophe Rosenberger. Mais peut-être faut-il commencer par le début, par rappeler que la biométrie, qui sonne comme quelque chose de nouveau lié à l'essor des nouvelles technologies, est en fait une pratique d'authentification de l'identité qui est vieille comme le monde. Bernadette Doridi. Alors, vieille comme le monde, si on commence le monde vers le... Alors, peut-être pas 4 milliards et demi d'années, je vous le concède, disons vieille comme la civilisation. On va dire que oui, et plus quand même plus récemment, on va dire que c'est surtout apparu vers la fin du 19e siècle. Alors, on a beaucoup parlé du bertillonnage. Je pense que c'était donc effectivement une technique qui est apparue à ces époques-là, qui n'était pas essentiellement, on va dire, la biométrie telle qu'on vient d'en parler, mais qui était des mesures sur l'homme, hein, puisque biométrie, c'est mesure, hein, donc vivant, mesure du vivant. Donc, le bertillonnage, peut-être redire un mot, peut-être avant d'arriver au bertillonnage, qui était une méthode très franco-française, Alphonse Bertillon, au début, au milieu du 19e siècle, pardon, peut-être dire un mot sur la dactylographie, l'empreinte digitale, on en retrouve des traces de façon assez lointaine, Christophe Rosenberger. Oui, en fait, on en retrouve des traces pour faire du troc, et aussi avec des traces qui étaient sur des morceaux de terre où on pouvait marquer, oui. Sur des tablettes marquer son empreinte. Ça fait très longtemps. Après, effectivement, l'essor de la biométrie est arrivé surtout avec l'arrivée des ordinateurs pour automatiser, en fait. Parce que, en fait, on l'a pas défini, mais la biométrie, en fait, c'est un processus automatisé, hein, qui va consister à vérifier l'identité d'une personne ou l'identifier. Donc, dans un cas, on va clamer une identité et on va donner une preuve, donc qui peut être une preuve morphologique, hein, c'est-à-dire son visage, une marque de son empreinte digitale ou un comportement de marché, par exemple. Hein, vous avez tous entendu un jour quelqu'un marcher dans le couloir et se dire, ah bah c'est un tel. Et donc, c'est une identification biométrique. Exactement. Et donc, ça, c'est le traitement qui doit être automatisé. Et donc, avec l'arrivée des ordinateurs, eh bien, évidemment, on a pu automatiser vraiment ces choses-là à des fins essentiellement de sécurisation ou à des fins d'identification. Et quand on parle d'identification, on parle beaucoup d'analyse forensique, hein, et qui fait le lien justement avec Alphonse Bertillon. De médecine légale, exactement. La forensique. Un mot, effectivement, pour dire que, bon, outre la dactylographie, donc, c'est-à-dire l'empreinte digitale, qui est effectivement la plus ancienne forme d'identification biométrique, finalement, mettre une photographie sur une pièce d'identité, c'est de l'identification biométrique. Oui, tout à fait. Comme d'ailleurs donner des informations sur la taille, sur des mesures. Alors, à l'époque, effectivement, dans les premiers systèmes policiers, hein, finalement. Le bertillonnage, hein, c'était d'avoir un certain nombre de paramètres, essentiellement des mesures d'os, hein, de taille, de. Alors, ça pouvait passer par même des tailles de pieds, des mesures qui étaient faites sur les personnes, et donc sur un catalogue comme ça. En gros, on essayait de classer et de faire des regroupements et de pouvoir, de ce fait, retrouver des gens sur cet aspect-là. Alors, c'est intéressant de voir aussi que ça correspond à l'époque où on a le début de la statistique des études études statistiques. Parce que derrière ce qu'on vient de dire, là, ce qu'on dit, c'est qu'il y a effectivement l'ordinateur, ça c'est sûr, il y a cette possibilité de travailler de manière informatique à des gros volumes de données, mais il y a aussi finalement la science statistique et probabiliste qui permet d'étudier des populations finalement et d'en tirer des grandes lignes. Et la constitution de fichiers, on va voir, qui est effectivement intrinsèque à la pratique, au développement de la pratique biométrique. Pour commencer peut-être par dire un mot de ces techniques biométriques, les premiers usages sont évidemment des usages a priori, non pas tellement d'authentification de l'identité, mais plutôt des usages policiers ou judiciaires. Oui, tout à fait. Les premiers usages sont vraiment policiers, retrouver des coupables, retrouver des personnes avec une certaine fiabilité, mieux que ce qu'on pouvait faire à l'époque, juste par des interrogations, etc. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on est toujours un peu dans cet esprit-là, finalement. C'est-à-dire qu'au fond, ce qu'on essaie, c'est d'avoir de plus en plus d'informations sur la personne pour l'identifier, et a priori, quand on est un peu en danger. Et ce qu'il faut peut-être dire aussi, c'est qu'il y a eu un recrut de la biométrie suite quand même à 2001. Les attentats de 2001, du 11 septembre. Qui ont lancé cette histoire du passeport biométrique, qui met quand même beaucoup de temps aussi à voir le jour. Moi, je trouve ça assez intéressant parce que c'est un projet où finalement la plupart des États du G9 se sont mis d'accord, mais qui a mis du temps parce que derrière, il y a des aspects de normalisation, il y a des luttes aussi de pouvoir un petit peu. Et puis, il faut mettre en œuvre tout ça sur des grandes, grandes échelles. Donc, ce n'est pas tout de le dire, il faut encore le faire. Oui, et justement, pour rebondir là-dessus, on peut voir d'ailleurs sur tout ce qui est normalisation, les choses ont vraiment commencé dans les années 2000-2001, où avec justement cette création d'un groupe au niveau international sur la normalisation de la biométrie, qui est évidemment un prérequis essentiel pour qu'on puisse justement échanger des données biométriques, qu'on puisse utiliser des données biométriques sur des capteurs différents d'un pays à un autre. Puisque tout cela n'a de sens évidemment que si on peut échanger ces données, si on peut contrôler les mouvements des personnes à l'international et transmettre ces informations d'un système à l'autre évidemment. Mais avant d'en arriver là, j'aimerais peut-être juste redire un mot même historiquement de cette dactylographie. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que les empreintes digitales ont été et sont encore le système biométrique le plus employé et le plus sûr d'une certaine façon, Bernadette Doretzi? Alors, je pense que ça vient du fait que c'est quand même la biométrie qui a été étudiée depuis le plus longtemps. Donc, c'est celle sur laquelle on a le plus de méthodes, on a peut-être le plus de recul. C'est aussi celle pour laquelle il y a un certain nombre de capteurs. Donc, il y a une diversité de capteurs, ce qui n'est pas le cas pour toutes les biométries. Mais on a donc des processus d'acquisition différents, etc. Ce qui complique aussi par rapport à l'aspect normalisation, d'ailleurs, mais qui donne aussi une certaine richesse. Finalement, moi, je dirais que c'est un bon rapport qualité-prix. C'est ça. Non, mais c'est à ça que je voulais vous en faire. Finalement, la première chose, une empreinte digitale sur un papier, c'est-à-dire de l'encre et un doigt, et on arrive immédiatement à pouvoir avoir, avant même l'arrivée de l'informatique, Christophe Rosenberger, une preuve d'identification de la personne, même si elle a changé sa coupe de cheveux, même si elle a de la barbe, pas de barbe, même si elle a teint ses cheveux. Bref. Oui, tout à fait. En fait, effectivement, il n'y a pas besoin de grand matériel. Il y a des experts qui le font encore de façon manuelle, évidemment sur des données qui sont de très mauvaise qualité maintenant, puisqu'on a des ordinateurs qui sont capables de le faire très bien sur des images de bonne qualité. Et à partir d'un ensemble de caractéristiques sur l'empreinte digitale, qu'on appelle les minuties, qui sont relativement connues par le grand public, par toutes les séries policières, on va pouvoir faire de la concordance entre deux empreintes digitales, ce qui est relativement simple sur des empreintes que l'on va acquérir de façon volontaire, mais qui est plus difficile lorsqu'on a des empreintes qui sont récupérées un petit peu partout sur des scènes de crime, mais pas seulement, où on aura des qualités qui seront beaucoup plus faibles, ce qu'on appelle les empreintes latentes. Et donc, il y a encore des experts manuels qui sont vraiment parmi les meilleurs encore par rapport à des algorithmes qui permettent d'identifier des correspondances. Et ce qui est intéressant, c'est que pour identifier, pour pouvoir aujourd'hui légalement attester de la correspondance entre une empreinte digitale et la personne à qui elle appartient, il faut 12 points caractéristiques. Pourquoi ce nombre de 12? Est-ce que vous avez une explication à ça? En fait, non, il n'y a pas de raison particulière. En fait, lorsque vous utilisez de la biométrie, en fait, pour revenir à ça, c'est-à-dire que vous allez comparer deux choses, une donnée de référence, donc par exemple l'empreinte qui est stockée dans votre passeport, et puis une donnée qui va être acquise, qui pourrait être justement au contrôle frontière. Et à partir de ça, on va comparer ces minutie, on va regarder combien il y a de minutie qui correspondent. À partir d'un certain seuil, donc là vous avez donné le seuil de 12, eh bien on va dire la personne est reconnue ou pas. Et donc en fait, plus ce nombre est élevé, plus on va avoir peu de chances de se tromper en fait. Je crois qu'à partir de 12, en fait, statistiquement, ça devient impossible que deux personnes aient les mêmes minuties. D'un point de vue théorique. Oui, d'un point de vue théorique. C'est d'un point de vue théorique. Après, jamais vraiment dans la théorie. Voilà, la pratique, c'est autre chose. Un autre mot avant d'en arriver à la notion de fichier, peut-être aussi à toute technique biométrique s'oppose une stratégie de falsification, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on essaye de trouver une empreinte biométrique, eh bien, il y a ce qu'on appelle le spoofing, Bernadette Dorezzi. Oui. Il y a eu un peu le mythe de la biométrie comme l'outil magique et infalsifiable, et puis on en revient. Alors, bien sûr, c'est quand même compliqué, c'est-à-dire que ce qu'il faut quand même, je pense, dire, c'est que tout outil de sécurisation est de toute façon falsifiable, mais plus on a des outils compliqués, plus c'est compliqué. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on peut falsifier des empreintes digitales. Alors, il y a eu des premiers travaux, je crois, d'équipes hackers allemands au départ, qui avaient montré qu'on pouvait récupérer des empreintes sur un verre. Et puis, alors c'était assez simple, on mettait de la poudre, etc. Et puis on récupérait ces empreintes, et puis on était capable de les coller sur un faux doigt ou sur un gant en latex. Et puis on falsifie comme ça, c'est-à-dire les systèmes, la plupart des systèmes se laissent prendre. Donc ça a fait couler beaucoup, beaucoup d'encre. Ça a fait beaucoup travailler les constructeurs de solutions biométriques parce qu'effectivement, c'est quand même un peu inquiétant. Et alors aujourd'hui, c'est encore pire, si je puis dire, parce qu'aujourd'hui, maintenant, avec la qualité des téléphones portables ou des outils de saisie, on est capable, si quelqu'un fait un V de la victoire sur Internet ou sur Facebook ou autre, de récupérer les empreintes avec suffisamment de précision pour éventuellement fabriquer un faux. Donc, même plus besoin de verre, même plus besoin que la personne soit là. Je crois que c'est la ministre allemande de la Défense qui s'était fait comme ça attaquer dans une session comme ça où on arrivait à récupérer ses empreintes. Oui, ou avec des méthodes qu'on pourrait dire plus low-tech, avec de la plus basse technologie. Nos confrères de Cache Investigation en 2015 avaient fait beaucoup parler en recréant simplement de fausses empreintes digitales à partir de colle à bois. Oui, c'est effectivement, on peut utiliser tout un ensemble de matériaux pour essayer de reproduire une empreinte digitale. Nous, on en a déjà fait dans notre labo en faisant des moules d'empreintes digitales de personnes du labo, et puis en utilisant différents types de matériaux et d'essayer de casser entre guillemets des systèmes biométriques à base de ça. Bon, il y a certains systèmes, évidemment, on y arrive. Après, c'est toujours une question de coût. En fait, il y a des capteurs qui sont extrêmement performants pour détecter des attaques, même des attaques qu'on pourrait juger très difficile. Vous prenez un capteur, vous mettez un film transparent en plastique et vous mettez votre empreinte. Vous avez une image qui est parfaite, puisque vous avez un film transparent, mais vous avez des capteurs qui sont totalement capables de détecter qu'il y a un problème. Il a détecté qu'il y a une tentative d'attaque. Et pour tout vous dire, moi j'ai été jusqu'à tester même sur des doigts morts pour aller vraiment jusqu'au bout et essayer de voir si certains capteurs étaient capables ou pas de le détecter. Et donc, c'est une lutte permanente entre les concepteurs de capteurs et puis les gens qui veulent attaquer, bon, sachant que si on veut y mettre les moyens, on peut vraiment rendre la tâche de l'attaquant très difficile. On va reparler de ces nouvelles méthodes et de voir effectivement comment aujourd'hui, à l'ère où, je le disais tout à l'heure, 50% encore des parts de marché en 2009, ce sont des chiffres un peu plus vieux, qui ont une dizaine d'années, 50% des parts de marché étaient la dactylographie des empreintes digitales, 12% la reconnaissance du visage et 5% l'iris. On va reparler de l'iris dans quelques instants, puisque là aussi la fiction, les séries télé, les films ont beaucoup popularisé ce type de reconnaissance. Or, celle-là n'a pas pris dans le marché pour des raisons que vous allez nous expliquer. Mais avant cela, j'aimerais qu'on parle du développement parallèle à ces outils biométriques, vous le disiez tout à l'heure, Bernadette Dorezzi, des fichiers, notamment des fichiers pour les passeports biométriques. Écoutez cet archive de l'INA, nous sommes en 2008, et l'inquiétude qui va avec. Voici le passeport de demain. La grande nouveauté se cache en haut à droite. Ce petit hexagone, c'est une puce électronique. À l'intérieur, des données cryptées censées le rendre infalsifiable. Posez votre main droite sur le capteur, s'il vous plaît. Mais le vrai changement, le voilà. Des empreintes digitales enregistrées pendant 15 ans pour les adultes, 10 ans pour les mineurs. Pour la Commission Informatique et Liberté, c'est un problème, car cela veut dire un nouveau fichier. Nous, notre souci, c'est que les finalités donc, de ce fichier soient clairement définies, notamment au niveau du Parlement, et qu'il y ait des garanties extrêmes pour garantir la confidentialité des informations et prévoir expressément les utilisations de ce fichier. Pour les autorités, il s'agit avant tout de vérifier qu'à une identité correspond bien une et une seule empreinte digitale. En France, des dizaines de milliers de faux papiers sont en circulation. Pour lutter contre cette fraude, une nouvelle carte d'identité est elle aussi en préparation. Voilà, on est en 2008, donc c'était il y a 10 ans, en fait, cette année, les 20 ans d'un autre fichier, celui de l'identification génétique, biométrique génétique, le FNAED, le fichier des empreintes génétiques. Que pensez-vous de cette archive, une réaction à ce que vous venez d'entendre, Bernadette Doridi? Alors, moi, je pense que déjà, c'est intéressant de se rendre compte qu'en 2008, on se posait ces questions et qu'on se les pose toujours un petit peu quand même. Bon, simplement, on peut dire que le passeport biométrique s'est effectivement déployé. Et donc, c'est déployé, et puis sans trop de heurts. Oui. Bon, après, il faut distinguer aussi l'utilisation qu'on en fait, parce que finalement, l'essentiel d'utilisation, c'est ce qu'on appelle de la vérification, c'est-à-dire là, pas besoin de fichiers. Les données sont dans le passeport, on vérifie au moment d'un passage de frontière ou d'un contrôle. Donc clairement là, on est dans une certaine maîtrise de ces données biométriques. Par contre, c'est vrai que ces empreintes, elles ont été stockées dans des fichiers centralisés et que clairement là, il y a des autorisations qui ont été demandées. Il y a une certaine confiance qu'on va faire tout de même hein, du fait que ça ne va pas être mal utilisé. Alors voilà, après, je crois que sur les empreintes génétiques, on n'est pas tout à fait dans la même gamme. Là, on est réellement dans des restrictions beaucoup plus importantes. Il n'est pas question pour l'instant déjà de se faire identifier à la frontière avec nos empreintes digitales. Génétiques, c'est un bon lapsus. Bon, parce que d'une certaine façon, la technologie n'est pas encore complètement au point non plus pour la rapidité de traitement, etc. Et puis en plus, là, il y a des vétos importants, parce que derrière le génétique, il n'y a pas que la capacité de reconnaître les personnes, il y a beaucoup plus d'informations sur soi-même. Et donc là, il y a vraiment une vraie question, à mon avis, éthique et de liberté des personnes sur leurs données. Donc, on en est loin aujourd'hui, ce fichier génétique, il sert juste dans les cas de grands criminels. De grande criminalité, oui, pas des pour violeurs, les... Voilà. Enfin, c'est pas pour la petite délinquance. Pas, voilà. Christophe Rodenberger, sur... Oui, je confirme le fichier génétique. Là, c'est pour uniquement les criminels à caractère sexuel, hein, donc ils sont fichés au niveau national. Hein, ça, c'est clair. Après, dans l'acte de contrôle frontière, en fait, effectivement, on peut dire que là, la donnée, elle est stockée dans un élément sécurisé. Hein, un élément sécurisé, c'est une puce à micro-circuit. C'est ce qui est contenu dans votre carte bancaire, hein, et donc qui a une certaine sécurité matérielle. Hein, et un attaquant aura vraiment du mal à récupérer les données. Et il y a des échanges cryptographiques entre cette puce à micro-circuit de votre passeport et puis le contrôle frontière qui va permettre d'accéder à la donnée biométrique qui est stockée pour faire une comparaison. Et donc là, d'un point de vue vie privée et protection des données à caractère personnel, on est vraiment sur des technologies qui sont vraiment au plus fort de ce qu'on sait faire à l'heure actuelle. Juste pour préciser, le fichier national des informations génétiques a été étendu à d'autres types d'infractions que les atteintes sexuelles. Il est aussi aujourd'hui utilisé pour les crimes et délits de vol, d'extorsion, escroquerie, atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, acte de terrorisme, fabrication d'engins explosifs, infraction de recel ou de blanchiment du produit de l'une de ces infractions. Donc ça a été un peu élargi depuis sa création, effectivement, il y a 20 ans, où ça ne concernait que les atteintes sexuelles. Mais vous allez voir maintenant que nous allons parler dans la suite de cette émission des nouveaux outils de mesure biométrique. Et vous allez voir que, notamment, et c'est intéressant, on parle aujourd'hui de biométrie comportementale. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Security d'Otis Redding à 16h30 sur France Culture, puisque nous parlons de biométrie et d'identification biométrique tout au long de cette heure, en compagnie de Bernadette Dorizzi, qui est directrice de recherche et des formations doctorales de Télécom Sud Paris, et Christophe Rosenberger, qui est professeur en informatique à l'École nationale supérieure d'ingénieurs de Caen. Alors, nous parlions du spoofing tout à l'heure, c'est-à-dire des tentatives pour tromper ou falsifier les instruments de reconnaissance biométrique. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, vous n'avez pas, vous, tenté de passer une borne paraf à Roissy comme nos confrères de Cache Investigation, sinon vous seriez en prison, ce qui serait embêtant. Mais vous vous êtes renseigné sur un système de dactyloscopie qui, lui, est a priori, et le a priori est important, infaillible. Oui, et je suis allé rencontrer votre collègue, Bernadette Dorizzi, en la personne de Yannick Gottesman. Yannick Gottesman mène des recherches en biométrie et en optique à Télécom Sud Paris et développe avec vous le projet Biodigital. Alors que les technologies de reconnaissance digitale se développent depuis quelques années, les techniques de fraude se multiplient pour contourner la sécurité et usurper l'identité de personnes avec la falsification d'empreintes digitales. C'est là qu'intervient la technologie laser développée avec Biodigital qui pourrait bien prendre de court les faussaires. Il s'agit plus seulement d'aller regarder la surface d'un doigt, donc de rester dans deux dimensions, mais bien de rentrer dans ces méandres, dans les méandres de nos empreintes et d'aller observer jusqu'à l'épiderme, à la racine de ce que sont nos empreintes digitales. Yannick Gottesman nous explique donc comment fonctionne ce lecteur et pourquoi on ne pourra bientôt plus falsifier facilement des empreintes digitales. Donc c'est un capteur en fait qui fait de la mesure tridimensionnelle en fait des structures, donc quelle que soit la structure, et notamment le doigt. Et l'objectif de ce capteur, c'est d'aller mesurer l'empreinte digitale externe pour reconnaître un individu, donc l'authentifier, mais également vérifier en fait qu'il y a tout le matériel biologique qui est nécessaire pour garantir que c'est un doigt et pas autre chose qu'un doigt. Donc c'est ça la grande spécificité. Donc c'est de la fouille dans la structure de l'objet qui est présenté pour essayer de vérifier que c'est un doigt authentique. Un petit peu comme ces ondes qui sont sous les bateaux et qui sondent finalement la forme du fond marin. C'est ça, c'est tout à fait similaire à un sonar. Donc c'est des ondes effectivement qui sont envoyées et qui sont codées en fait de façon temporelle et qui par analyse et enregistrement de comment revient l'onde permet de localiser spatialement sur quoi elle a rebondi et finalement d'avoir donc les échos en fait de structure et donc de les sonder. Les résolutions sont par contre pas du tout les mêmes que celles des sonars. Elles sont beaucoup plus précises et voilà, on rentre dans le détail du doigt, si je puis dire. C'est ça, oui, on est à des détails qui sont de l'ordre de quelques microns, donc en profondeur et puis de façon latérale aussi. Donc c'est des résolutions qui sont tout à fait adaptées aux structures biologiques. En termes de précision, de performance, en quoi est-ce que ce système-là que vous développez est par exemple amené à être plus performant que le système biométrique digital qu'on utilise pour les passeports par exemple ? Ça dépend ce qu'on appelle performance. On va définir deux types de performance. La performance, c'est sur l'authentification. Première chose, est-ce qu'on détecte correctement l'individu, avec quel taux de fiabilité et ça c'est le premier type de performance. Deuxième type de performance, c'est est-ce qu'on est capable de détecter un faussaire. Donc si maintenant on cherche à séparer ces deux performances, en termes d'authentification, je dirais que pour un doigt usuel, notre lecteur fera à peu près la même chose. Il sera plus performant dans des conditions difficiles, par exemple zone humide, transpiration, doigt abîmé. Le doigt abîmé c'est quand même quelque chose qui est assez fréquent, donc ça apporte une robustesse. Mais sur un doigt qui est standard, je dirais qu'il n'y aura pas de gain spécifique. Sur la partie détection de faux, là, les choses sont complètement différentes. Parce que l'information est mesurée de façon tridimensionnelle. Ce qui veut dire qu'on a rajouté de la mesure en fait, pour aller regarder ce qui se passe vraiment dans la structure. Ce qui n'est pas accessible au lecteur habituel. Ce qui veut dire qu'il y a des tests spécifiques qui sont faits aussi sur le leurre. Et qui remplace en fait les étages en fait de traitement du signal qui sont habituellement faits sur les images captées par les capteurs standards. Donc en termes de performance, finalement, je pense que ça n'a rien à voir. Donc là, vous prenez un petit peu de court les faussaires en ce moment avec cette technologie-là. On les prend tellement de court que nous-mêmes, même en connaissant les fraudes actuelles, on ne sait pas imaginer comment fabriquer de leurre qui pourrait passer notre technologie. Alors, on l'a devant nous, ce lecteur. Est-ce qu'on pourrait éventuellement passer aux travaux pratiques et puis l'essayer et voir comment il fonctionne et voir un petit peu ce que ça rend à l'écran une fois qu'on a rentré ces empreintes finalement dans la machine? Oui. Alors déjà, peut-être pour distinguer d'un lecteur standard, là, vous avez un lecteur standard. Ce qu'on fait sur un lecteur standard, c'est qu'on présente une surface qui va être le doigt et c'est une lecture de surface. C'est-à-dire qu'il y a un enregistrement uniquement On pose le doigt sur un écran et... Sur une vitre, voilà. Ou sur... Effectivement, il y a une sorte de photo qui est faite de la surface du doigt qui permet de détecter l'empreinte digitale. C'est de la deux dimensions. C'est deux dimensions et extérieure. C'est-à-dire qu'on regarde que l'aspect extérieur du doigt. Alors sur le lecteur qui est ici... Qui ressemble à quoi? Vous pouvez me le décrire? Et ben, c'est une petite boîte avec où dedans il y a un laser, des miroirs qui oscillent et puis une lentille. Et vous avez aussi un support pour guider, enfin pour positionner à une certaine distance de la lentille le doigt. Donc c'est une mesure qui est faite sans contact. Et un faisceau laser donc va sortir du lecteur et scanner, balayer donc la surface du doigt. Pour chaque position de la sonde, donc c'est un point lumineux qui se déplace sur le doigt. Pour chaque position de la sonde sur le doigt, on enregistre en fait un signal qui est interférométrique qui permet d'enregistrer ce qui se passe en profondeur sous la sonde. Et sur des distances de 1 à 2 mm. Alors je vais peut-être mettre en gros, on rentre vraiment dans les vallées des empreintes digitales. On rentre dans les creusements, mais on va aussi sous la peau. Donc on pénètre, on va jusqu'au derme. Et alors ce qui est intéressant, alors, voilà, c'est que l'empreinte externe ne naît pas comme ça. L'empreinte digitale que vous avez sur le doigt, quand vous l'abîmez, il faut bien qu'elle repousse. Et pour repousser, elle a besoin d'une sorte de mémoire. Et cette mémoire vient d'une empreinte digitale qui est plus profonde. Une interface entre l'épiderme et le derme. Donc cette matrice-là est entre 300 et 500 microns sous la peau. Elle est très protégée par l'épiderme. Et donc c'est ça aussi qu'on va sonder. Et ces deux structures qui sont très analogues l'une à l'autre, effectivement, il faut qu'elles soient identiques. Donc là, vous passez à exécution. Et là, c'est votre doigt qu'on va voir apparaître à l'écran. Voilà, donc là, si je mets le laser en marche et le lecteur en marche aussi, donc ce qu'on voit, c'est une coupe. On voit en profondeur. Donc on a vraiment une image en coupe du doigt avec... Sur la partie extérieure, finalement, on voit une topologie, en fait, ou un relief qui est associé au creux et vallées de l'empreinte digitale. Ouais. On pénètre avec un changement de niveau, enfin, du signal. Mm-hmm. C'est un peu sombre, ça, c'est l'épiderme. Et puis après, on retrouve une structure, en fait, vallonnée, qui correspond à l'empreinte interne. Okay. Et vous voyez qu'on pénètre beaucoup plus loin que l'empreinte interne, puisqu'on voit d'autres structures qui sont derrière, notamment des capillaires sanguins. Et on a plein d'autres détails aussi sur les structures biologiques. Par exemple, vous voyez des sortes de filaments, donc des structures hélicoïdales. Leur position est propre à moi, mais par contre, tout le monde en a. C'est les canaux de sudation. Donc leur position n'est pas aléatoire. Okay. Voilà, c'est d'autres matériels biologiques qu'on peut regarder aussi. Et donc maintenant, si on regarde en trois dimensions, donc je balaye maintenant sur l'ensemble du doigt, on voit évidemment apparaître l'empreinte externe. Ouais. Et en analysant la structure des coupes qui sont mises bout à bout, on peut reconstruire une information volumétrique complète sur le doigt et donc extraire l'information qui nous intéresse. Pourquoi est-ce qu'on peut dire que c'est déjà quelque chose qui est intéressant? Parce que pour un faussaire, s'il devait fabriquer un faux qui passe cette technologie, il faudrait arriver à fabriquer une structure tridimensionnelle avec des épaisseurs bien contrôlées, un alignement d'empreintes internes et d'empreintes externes correctement fait, et avec aussi des précisions d'usinage qui seraient, pour l'instant, qui seront très, très compliquées à obtenir. Biodigital, effectivement, il y a de la bio. Fabriquer de la bio de façon artificielle, de la biologie de façon artificielle, c'est très compliqué. Donc c'est justement pour ça qu'on pense qu'il y a des choses à faire avec ce type de lecteur. Admettons que vous me coupiez le doigt. Est-ce que là, pour le coup, on peut contourner votre système? C'est le fameux mythe, effectivement, qu'on voit tous dans les films de science-fiction, où l'œil arraché. Et ben, un doigt qui est mort n'est pas tout à fait pareil qu'un doigt vivant. Par exemple, le sang ne circule pas. Donc vous n'allez pas avoir de pulsation cardiaque. Et ça se verra. Donc il y a des aspects dynamiques, des formations de structure en fonction du temps. Parce qu'effectivement, là, on voit que des images. Il y a tout un enregistrement dynamique qui va avec. Donc a priori, je pense que ça se verra tout de suite. Voilà, si on peut même plus couper les doigts pour passer les bornes paraf à l'aéroport, où va le monde? Voilà, c'était le reportage du jour sur... je vais vous demander une réaction, Bernadette Dorézy, puisque c'est un de vos projets de recherche. Ben, écoutez, moi, ça m'a fait plaisir d'entendre ça. Je ne sais pas si vous avez tous compris, mais j'ai trouvé ça... En tout cas, voilà. Moi, je suis très passionnée par ce sujet parce que je pense qu'on va largement au-delà de ce qui se fait couramment. Et c'est quand même notre vocation, hein, nous, chercheurs académiques. Et puis, en même temps, on intéresse aussi des industriels. Donc, ça fait plaisir, en fait, de voir que, à la fois, ce qu'on essaie de développer nous fait plaisir à nous parce qu'il y a des nouveaux enjeux et puis a aussi une valeur aussi de marché derrière. J'aimerais qu'on aborde justement les différentes pistes de recherche aujourd'hui. Il y a celle que vous venez d'entendre, en l'occurrence, où on va rentrer, donc on va lire l'intérieur de la pulpe du doigt pour ne pas pouvoir finalement falsifier les empreintes digitales. Christophe Rodenberger, vous travaillez sur une autre forme ou sur une forme complémentaire de biométrie, qui est la biométrie comportementale. De quoi s'agit-il exactement ? Alors la biométrie comportementale va consister à analyser votre façon de réaliser une tâche particulière. Donc ça peut être votre façon de marcher, hein. Il y a des solutions qui existent, hein, qui vont utiliser une application qui va tourner sur votre téléphone, qui va être dans votre poche, et puis lorsque vous allez marcher, eh bien va analyser un petit peu les accéléromètres, hein, donc les informations capturées par le téléphone, et donc à partir de ça reconnaître que il est bien dans votre poche. Ça peut être d'autres choses, hein. Nous, ça fait presque 10 ans qu'on travaille sur une modalité biométrique particulière qui est l'analyse de la façon de taper au clavier. La frappologie. La frappologie, ouais. Alors ça, c'est le terme qu'utilisent beaucoup les journalistes, ouais. C'est-à-dire que, voilà, en tapant au clavier, eh bien, on va mesurer des temps de pression, des temps de relâchement, des temps de vol entre les différentes touches de votre clavier. Donc ça, c'est des choses qu'on peut mesurer très facilement sur n'importe quel ordinateur, qu'on peut embarquer d'ailleurs, alors ça c'est peut-être aussi un point de vigilance, qu'on peut embarquer sur n'importe quel site web, donc n'importe quelle page web peut récupérer votre façon de taper au clavier. Donc ça peut servir à des fins de sécurité, hein, c'est-à-dire que lorsque vous allez taper votre mot de passe, on va regarder votre façon de le taper et regarder s'il est similaire à votre façon habituelle. Mais ça peut être aussi pour obtenir des informations dites de ce qu'on appelle la biométrie douce. Alors la biométrie douce, qu'est-ce que c'est? Contrairement à la biométrie dure. Voilà. Okay. Quand on parle de biométrie, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, on va essayer d'identifier quelqu'un. La biométrie douce, on va essayer d'extraire des caractéristiques sur cette personne. Donc par exemple, nous on a montré qu'en analysant la façon de taper au clavier, on pouvait avoir des informations sur le fait que vous êtes un homme ou une femme, par exemple. Ou sur le fait que vous soyez un enfant ou quelqu'un qui est adulte. Et donc évidemment c'est pas fiable à 100%, hein. Par contre on peut avoir ces indications que ce soit sur un mot de passe ou que ce soit sur un texte libre. Donc ça c'est des choses sur lesquelles nous on travaille. Et c'est là où on commence à rentrer dans ce qu'on appelle la vallée de l'étrange ou l'inquiétante étrangeté, c'est-à-dire de se dire qu'on peut être identifié par notre façon de frapper sur un clavier. La question que je voulais vous poser d'abord sur ces questions de biométrie comportementale, c'est précisément la potentialité de falsification. Qu'est-ce qui m'empêche d'apprendre à taper comme mon collègue de travail ou comme mon conjoint ou ma conjointe pour pouvoir avoir accès ensuite à ces informations? Alors c'est une attaque qui est possible, hein, mais qui est très difficile à réussir. En fait, chaque année, moi j'ai des travaux pratiques avec mes étudiants de l'école. Vivants ou morts? Vivants cette fois. Non, parce que là aussi on va commencer à s'inquiéter. Et donc on leur fait manipuler un logiciel qu'on a développé au sein du laboratoire. Et donc, on leur dit, essayez d'attaquer une personne, c'est-à-dire qu'une personne qui va s'enrôler, hein, qui va taper 5 fois. Et puis, on va donc enregistrer son modèle, hein, de saisie de ce mot de passe. Et après, ils vont jouer le rôle d'attaquant. Et en fait, on affiche les courbes, hein, pour que ce soit bien clair pour l'attaquant. Et en fait, c'est pas si simple que ça, parce qu'on parle de temps qui sont évidemment très, très courts, hein, c'est quelques millisecondes. Contrôler ça, c'est vraiment difficile. Alors, je dis pas que c'est pas attaquable, hein, puisque il y a quand même des façons d'attaquer. Après, on peut effectivement dire ça peut être inquiétant parce que on peut récupérer ça très facilement, même sans votre consentement. Il y a un petit logiciel qui permet d'enregistrer les façons de taper, et puis quand la personne n'est pas là, on a accès à l'ordinateur et on regarde. Est-ce que c'est de la science-fiction ce que j'imagine ou c'est tout à fait possible? C'est totalement possible à l'heure actuelle, et c'est pas impossible que ce soit déjà fait sur plein de services sur Internet qui permettent de faire ça. Mais je dirais, en fait, on n'a pas forcément toujours besoin de la biométrie. Hein. Je veux dire, on veut vous authentifier, on veut vérifier qui vous êtes. En fait, un ordinateur, il vous donne il laisse plein de traces, et ne serait-ce que votre adresse IP, que ce soit le navigateur que vous utilisez, la version, les plugins qui sont installés, les polices qui sont installées, tout ça, c'est des choses. Ça, c'est de la récupération d'informations. On sort un peu du sujet. Mais ça, c'est des choses qu'on peut récupérer. On peut vous identifier très bien aussi. Mais sur l'identification par la frappologie, ça a été utilisé notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, je crois, pour identifier la Seconde. Les premiers travaux académiques qui datent des années 80, hein, c'était pour une entreprise qui a travaillé pour l'US Air Force. Mais en fait, c'est un peu, ça vient de la reconnaissance des gens qui utilisaient un télégraphe, en fait. Les gens qui étaient habitués étaient capables de dire, ah tiens, c'est un tel qui doit envoyer ce message. Et c'est comme ça que dans les années 80, les premiers travaux à ma connaissance, académiques, et depuis les années 80, et bon, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à ça, parce que il y a des applications qui sont intéressantes, par exemple, tout ce qui est protection des enfants, hein, sur Internet, lorsqu'on chatte, avec ce type de technologie, on peut récupérer des informations sur la personne qui est en train de taper au clavier, et on peut regarder la cohérence du profil affiché et du profil réel qu'on estime. Et donc, identifier que, par exemple, je ne suis pas en train de discuter avec une jeune fille de 14 ans, par exemple. Bien sûr. D'autres questions, j'aimerais qu'on termine dans les quelques minutes qui nous restent par discuter justement de l'usage qui est fait de ces nouvelles techniques de biométrie, des usages qui sont largement plus répandus qu'on ne l'imagine ici en France. On arrive aujourd'hui à de la possibilité de payer, de retirer de l'argent, d'avoir accès à ses coordonnées bancaires par de la reconnaissance faciale, par de la biométrie, qui est de la biométrie aujourd'hui courante, celle qui est utilisée par les réseaux sociaux, par exemple, pour m'identifier sur une photo, Bernadette Dorizzi. Oui, alors c'est vrai qu'on voit se diversifier des usages de ce type. Je pense qu'il y a aujourd'hui un grand volet d'application au niveau du commerce et de tout ce qui est bancaire. En fait, il y a déjà un certain nombre de pays où on utilise des identifications biométriques pour au Japon ou d'autres. En Chine, en l'occurrence. En Chine, oui. Pour faire des transactions. Et il ne faut pas se leurrer. Derrière l'identification sur les smartphones avec de la biométrie, il y a derrière l'idée d'avoir du paiement contrôlé. Bien sûr, évidemment. Aujourd'hui, vous savez que certains téléphones qui ont une reconnaissance d'empreinte digitale vous permettent aujourd'hui de payer en vous identifiant via une empreinte digitale. Donc on y est déjà. On y est chez nous, ou presque. Alors peut-être que toi, tu connais peut-être un peu mieux aussi où on en est au niveau français là-dessus. Parce qu'il ne me semble pas qu'il y ait encore de services de banque qui proposent ça. En termes de paiement, en termes de paiement, non. Alors, en fait, il faut savoir que pour la partie paiement, la biométrie n'est possible comme méthode d'authentification que depuis très récemment, en fait. Il y a un consortium qui s'appelle, qui est piloté par Visa et Mastercard, hein, qui définit en fait ce qu'on appelle les spécifications sur le paiement. Et la biométrie n'est rentrée que comme méthode d'authentification d'une personne qui est en train de payer que depuis un an et demi, donc officiellement. Bien souvent, c'est utilisé pour, par exemple, conditionner l'accès à mon compte en ligne. Je veux voir mon chauffeur un virement, on peut conditionner ça par une donnée biométrique ou par pour des virements financiers en entreprise. Donc ça, c'est plutôt ce qui se fait, mais effectivement, avec le mobile, de plus en plus, les gens réfléchissent à des solutions biométriques sur mobile. Alors là, ça foisonne, mais vraiment sur des choses, vous n'avez même pas idée. Hein. J'ai entendu parler d'une start-up parisienne qui travaille sur la reconnaissance de la forme de l'oreille lorsque vous prenez votre téléphone sur votre oreille, et donc vous avez une pression sur votre écran tactile, et à partir de cette pression, eh bien on va reconnaître la forme de l'oreille, et lorsque vous téléphonez, eh bien on va regarder si c'est bien vous. Une autre grande marque, hein, qui veut faire de la reconnaissance des empreintes de la main, des lignes de la main, palmaire. Les chercheurs en biométrie ont énormément d'imagination. Vous n'imaginez pas tout ce qu'on peut utiliser comme information. Après, il y a une tendance aussi qui est assez importante, c'est que on veut essayer de masquer la sécurité à la personne. C'est-à-dire que de plus en plus, quand on a besoin de sécurité, ce qu'on fait, c'est qu'on demande des mots de passe. Avec la biométrie, on peut collecter des informations, que ce soit la voix lorsque je suis en train de téléphoner, que ce soit le visage quand je débloque mon téléphone ou d'autres informations. Et en fait, de plus en plus, il y a des industriels qui se penchent vers ce qu'on appelle l'authentification transparente, c'est-à-dire que de façon continue, il va essayer d'authentifier, d'avoir des preuves sur l'identité de la personne qui utilise le téléphone. Et si le niveau de confiance est suffisant, eh bien, il ne va pas demander un acte supplémentaire à la personne, il va donner l'accès au service. Et donc, en fait, on va collecter peut-être plus d'informations. Alors évidemment, tout ça doit être protégé, etc. Mais pour rendre quelque chose en termes d'usage. Parce que la biométrie, c'est pas une question que de sécurité. C'est aussi une question d'usage. Dans certains cas, c'est plus intéressant qu'un badge, simplement, parce qu'on peut le perdre. Et justement, moi, j'aimerais bien, justement, juste à ce sujet-là, mentionner les applications domotiques. Parce que finalement, tout ce qui est personnalisation d'environnement, on parle aujourd'hui beaucoup d'aménagement intelligent, d'adaptation à l'environnement pour un habitat. Et là, la biométrie, celle que tu décris, c'est qui est un peu transparente, c'est vraiment un outil qui peut être vraiment très intéressant dans ce cadre-là. Mais ça pose la question, par exemple, de l'irrévocabilité. Puisque si je suis renseigné par mon visage, que se passe-t-il ? Je ne peux pas changer de mot de passe, en quelque sorte. Et puis, je peux être reconnu partout, tout le temps. Ça pose la question d'une forme de surveillance permanente, continue, et forcément, d'une certaine manière, à un moment donné, on voit bien où est la limite aujourd'hui, à mon insu. Oui, ça c'est clair que la biométrie, c'est un des problèmes assez, un problème fondamental, hein, c'est la révocabilité. Bon, sur le visage, un peu, la bataille est difficile à gagner parce que, bon, mon visage, il peut être présent un peu partout, mais sur des données un peu plus sensibles comme l'empreinte ou les veines ou d'autres, ou l'iris, effectivement, il faut essayer de protéger ces données. Alors, en fait, on peut utiliser du chiffrement classique, hein, pour faire ça. Alors, le problème du chiffrement classique, c'est que pour comparer mes données biométriques, il va falloir que je déchiffre mes données. Donc, pendant ce temps-là, bah, elles sont attaquables. Et puis, un autre problème, c'est que si quelqu'un récupère une donnée biométrique chiffrée, hein, je sais pas, imaginons que je récupère par hasard, je sais pas, les empreintes chiffrées de l'ENA, des étudiants de l'ENA, eh bien, peut-être que dans 10-20 ans, l'algorithme qui a été utilisé pour chiffrer ces données, il sera peut-être cassé. Et donc, ça veut dire que bah, je pourrais peut-être avoir la donnée biométrique d'un peut-être futur président, on ne sait jamais. C'est ce qui vient de se passer en Inde, hein, où vous savez ce qui s'est passé en Inde en deux mots. Hein, il y a une journaliste qui a été... L'Inde a mis en place un système de biométrie massif pour recenser la population, etc. Et une journaliste de Tribune pardon, a pu avoir accès au fichier central d'identification via des mots de passe d'administrateur. Oui. Là aussi, ça pose quand même un certain nombre de problèmes. Et complètement. Et donc c'est pour ça que le chiffrement classique, il est nécessaire, mais il n'est pas suffisant. Et donc il y a d'autres solutions. En fait, essentiellement, il y en a deux, hein, et c'est sur quoi beaucoup de gens travaillent au niveau de la recherche. Le premier, c'est une solution type logiciel, hein, c'est-à-dire qu'on ne va jamais stocker mon empreinte digitale, on va stocker des données qui sont calculées à partir de mon empreinte digitale. Et donc, ce qui est déjà souvent le cas. Hein. C'est, d'un point de vue opérationnel, pas tant que ça quand même, malheureusement. Et en fait, c'est-à-dire qu'à partir de cette signature générée, je ne peux pas revenir à l'empreinte digitale initiale. Donc ça, c'est ce qu'on veut. Et le deuxième, c'est de mettre ça dans une puce. Et puis il y a la cryptographie quantique, on en a déjà longuement parlé au cours de cette émission, on y reviendra et on va vous mettre les liens sur le fil Facebook de l'émission, sur le fil Twitter pardon, de l'émission At la Méthode FC, mais à 16h53, eh bien, c'est comme chaque mercredi, l'heure de retrouver la recherche montre en main, puisque toutes les semaines nous avons un étudiant ou une étudiante qui vient nous présenter eh bien, ses travaux de recherche en thèse en 4 minutes. Aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir autour de la table de la méthode scientifique Boubacar Diagana. Bonjour. Bonjour. Vous travaillez précisément sur les enjeux liés au recensement biométrique des populations en Afrique. Vous êtes en première année au CESSP, le Centre Européen de Sociologie et de Sciences Politiques de la Sorbonne à l'Université Paris Panthéon Sorbonne. Bienvenue, c'est à vous. Merci. Alors, le recensement est lié à la naissance de l'État moderne, de son souci d'affirmer sa souveraineté nationale et surtout de gérer de manière rationnelle ses affaires publiques. Ces opérations sont devenues de plus en plus importantes et coûteuses. Avec la grande croissance démographique du continent africain, plusieurs multinationales occidentales se partagent le marché de la biométrie en Afrique. En Occident, beaucoup d'exemples montrent que les défenseurs de l'enregistrement biométrique universel ont dû faire marche arrière face à la méfiance du public. Finalement, l'enthousiasme biométrique s'est focalisé sur les passeports et les systèmes d'identification liés aux déplacements internationaux. Au même moment, le rythme d'enregistrement biométrique des populations non occidentales s'est accéléré. D'abord, c'est les migrants et les demandeurs d'asile qui fuient les zones de conflit et la pauvreté pour venir en Europe. Toutes ces personnes sont soumises aux impératifs de visa biométrique imposés par les pays d'accueil. Presque tous les pays développés ont appliqué aux migrants et aux visiteurs, sans soulever trop de protestations, des systèmes d'enregistrement biométrique sous couvert de lutte contre le terrorisme. Ensuite, il y a les pays qui ont eux-mêmes mis en œuvre des systèmes d'identification biométrique pour leur population. Nous ne savons pas grand-chose sur la biométrie dans les pays pauvres et surtout sur le continent africain. Ce qui nous semble étrange, c'est que les mêmes pays, même les pays les plus pauvres, pardon, ont adopté la numérisation des empreintes digitales comme un panache administratif généralement mis en œuvre par des entreprises issues de pays dont l'opinion publique s'oppose pourtant à l'enregistrement biométrique universel. Étant à l'abri des protestations politiques liées au fichage, les États africains appliquent ce système à toutes sortes de fonctions d'identification. L'un des projets les plus anciens commandés avant 2000 ans consistait à développer une liste électorale biométrique pour la Mauritanie, en état à la recherche d'une solution technologique universelle à ces problèmes frontaliers. En 2011, le gouvernement mauritanien signe un contrat de 18 millions d'euros avec la société française Safran, leader dans le domaine, pour mettre en place son projet d'enrôlement biométrique, pour sécuriser son état civil en quelque sorte. Tous les Mauritaniens sont alors appelés à se déplacer dans les centres d'accueil pour se faire recenser. Mais pour se faire recenser, il fallait prouver sa nationalité mauritanienne. Et c'est là que les problèmes ont commencé. La Mauritanie étant un pays multiethnique et multiracial, avec un passé de conflits interethniques, les populations du Sud se sont discriminées dans ce processus biométrique, selon le mouvement « Touche pas à ma nationalité ». Dans ce recensement, là où un Mauritanien noir peine à se recenser, malgré toutes les preuves de sa nationalité, pour un Mauritanien blanc, ce recensement est une simple formalité. Et c'est là que le gouvernement mauritanien, peut-être, je dis bien, peut-être, se sert de la biométrie pour mettre sur la touche les populations noires en les privant de leur papier d'état civil et en faisant d'eux des apartheid. Et mon deuxième cas d'étude, c'est celui de la Côte d'Ivoire, un pays dans lequel le pli élémentaire enregistrant des identités est depuis longtemps la cause première d'atroces conflits. Même si le concept d'ivoirité qui ne date pas de la contestation de la candidature d'Alassane Ouattara à la magistrature suprême, à cause de ses origines supposées burkinabèses, là aussi on voit que l'État peut se servir d'un concept pour mettre à l'écart des populations qui, selon lui, ne font pas partie de la sphère nationale. Lorsqu'on aborde la question de la biométrie sous l'angle de l'exclusion des populations, on ne peut pas esquiver la délicate question du lien entre recensement, élection et enjeux politiques. Et si réellement la biométrie était un couteau suisse à la main des gouvernements africains, qui s'en servent tantôt pour exclure ce qui dérange, tantôt pour enclure et faire pencher le poids démographique en sa faveur et s'assurer une réélection. Pour finir, je m'intéresse à la biométrie comme un nouveau outil de contrôle social dans les pays qui sont des mosaïques ethniques avec souvent un passé de conflits interethniques sanglants. Voici les objets de mes recherches pour les trois prochaines années. Mais évidemment, et voilà, une application qui, effectivement, est relativement inquiétante en termes politiques et sociologiques, une réaction peut-être à ce que vous venez d'entendre. Oui, c'est effectivement c'est ce qu'on disait un petit peu en tout début de l'émission, hein, c'est-à-dire que c'est une technologie qui a de nombreux intérêts et qui est aussi dont l'usage, il faut faire attention à son usage et donc là il faut bien encadrer cet usage et ça c'est exactement un exemple de ce qu'on encadrer, c'est toujours plus difficile dans un pays où les pouvoirs sont moins démocratiques ou plus concentrés. On aurait pu parler également de la base Eurodac qui est un système de comparaison des empreintes digitales des demandeurs d'asile et des immigrants clandestins qui est conservé pendant 10 ans. Merci beaucoup en tout cas. Ce sera l'objet d'une autre émission. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus parler de ces questions liées à la biométrie et l'éthique. Merci beaucoup Christophe Rosenberger. Merci beaucoup également à vous Bernadette Dorizzi et merci beaucoup à vous Boubacar Diagana d'être venu nous présenter brillamment vos travaux de recherche. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique avec Étienne-Antoine Beauchamp, Noémie Naguette-Saint-Vulfranc, Céline Lausanne, Elisabeth Miro à la réalisation et Morgane Danon à la technique. Voilà la suite de vos aventures sur France Culture. Dans un instant, c'est le troisième épisode du voyage en agnotologie, le pays de la science et de l'ignorance. Une histoire de la création de l'ignorance brillamment racontée par Franck Cuveillé et Rafik Zénine. Et puis, n'oubliez pas de filer sur votre pourvoyeur de podcast préféré pour télécharger Les Idées Claires, le nouveau podcast First de France Culture et de France Info que j'ai l'honneur de produire et qui débunk, qui vous raconte la réalité autour des idées reçus, des fake news, des fausses informations. Voilà, c'est un podcast audio de 9 minutes et une vidéo que vous pouvez trouver sur les réseaux sociaux. Tout à l'heure, le grain à moudre, les séries télé nous rendent-elles vraiment intelligents? C'est la question que Hervé Gardette posera à ses invités. Et pour ce qui nous concerne, eh bien demain, nous reviendrons sur l'une des plus célèbres expériences de sociologie, l'expérience de Stanford, où des étudiants mis dans le rôle de prisonniers de matons se sont mis à adopter des comportements sadiques ou de soumission. Alors sommes-nous tous des bourreaux en puissance? On en parle demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.